C'est bon, j'ai du son. Putain, tu joues bien, toi. Mesdames et messieurs, monsieur Panic à la guitare. Écoutez la guitare, comme c'est joli. Bravo, monsieur Panic.